Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore compris, on fait une émission un peu spéciale. Vous êtes bien sur Radio Cayenne. Et du coup, là, on est dans un lieu, un nouveau lieu sur Nantes, qui s'appelle l'EHPAD de Bréa, c'est ça, hein? Et du coup, on fait un peu un micro ouvert où on invite les personnes qui vivent dans ce lieu-là à venir se raconter c'est quoi ce lieu. Du coup, il y a différentes langues, et puis nous, on n'est pas traducteur ou traductrice, donc voilà, il y aura sans doute de l'arabe, du français, de l'anglais, voilà, plein de trucs. Peut-être à des moments, on arrivera à traduire, des fois non, mais voilà, nous, on avait envie de donner la parole à tous ceux et celles qui sont là.